Revue de l'année 2022 que je vais faire pour la première fois en compagnie de Mona et Berthold dans le cadre de cet enregistrement. Donc, c'est une première. Aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, j'ai deux de mes invités que j'ai interviewés là, au fil du temps là, sur YouTube, au fil des ans. Plusieurs ont demandé qu'il y ait éventuellement une entrevue à trois, où les gens pourraient nous voir les trois interagir. Et comme nous sommes dans le temps des fêtes, je me suis dit, pourquoi pas donner suite à cette demande qui est revenue à plusieurs reprises. Donc, écoutez, j'espère que vous allez aimer l'enregistrement d'aujourd'hui. Et c'est sûr que, bon, ça va être une émission spéciale, une revue de fin de l'année que je veux faire de cette année 2022 qui s'achève au moment où elle est enregistrée. Donc, il y a plein de personnes dans les médias qui font des revues de l'année ici au Québec. Il y a Infoman, il y a le Bye-Bye. Et pourquoi pas faire une revue en compagnie de Bourdeau et Berthold? Je me suis dit que ça pourrait être original et intéressant. Et aujourd'hui, l'enregistrement sera l'occasion aussi de jeter un regard sur l'année 2023 qui approche à grands pas. Donc, j'ai l'intention dans les prochaines minutes par rapport à mes deux invités de poser des questions pour commenter des événements mondiaux sur le plan politique, économique et militaire, en plus de la politique québécoise. Qui ont eu cours en cette année 2022. Pourquoi la politique québécoise? Ben, c'est qu'on en a déjà parlé ensemble là, avec mes deux invités séparément et les voir aborder ça ensemble, je pense que ça pourrait donner place à des discussions intéressantes et étant donné aussi qu'on vit tous les trois au Québec. De plus, ben, j'aimerais ça, c'est sûr, leur amener à parler de leur vision d'événements prévu pour l'année 2023 qui arrive. Donc, par rapport à ça, il y a entre autres des prophéties qui ont été faites, notamment Richard Glenn, animateur de l'émission Ésotérisme expérimental sur le web et autrefois sur le câble, affirme avoir été contacté depuis plusieurs années par des extraterrestres. Il annonce depuis près de 40 ans qu'il y allait avoir un événement particulier qui va se dérouler plus précisément le 24 février 2023. Est-ce que cela sera le moment du rendez-vous officiel de la population terrestre avec le phénomène extraterrestre, soit le premier contact public avec ces êtres qu'on dit venus de l'espace? Qui pourrait donner place à un changement majeur de paradigme pour l'humanité actuelle, soit l'entrée dans une ère nouvelle, ce que certains appellent l'apothéose, à ne pas confondre avec l'apocalypse, qui est d'ailleurs un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais concernant 2023, ce qui peut être intéressant de rajouter, étant donné qu'en préparation à cette rencontre d'aujourd'hui, j'ai fait des recherches. Bernard de Montréal avait déjà parlé de cette date dans ses conférences, notamment dans ses entrevues qu'il avait faites avec Richard Glenn dans l'enregistrement 51A s'intitulant L'éducation de la sixième race, qui a été enregistré en juillet 1983. Il s'était alors projeté avec Richard Glenn dans un dialogue futuriste par rapport à des événements qui auraient cours de 2023, de 1983 à 2023. Mais c'était une mise en scène qui était faite. C'était pas des prophéties qui faisaient d'une manière formelle, mais il demeurait quand même assez vague. Mais on parle d'un futur sur près de 40 ans, en fait, 83 à 2023. Mais plus précisément, dans la conférence 59B, vers la conscience non conditionnée, il est dit, donc Bernard de Montréal avait déclaré, que c'est à partir de 2023 que finalement la Chine, la Russie et les États-Unis vont créer une union mondiale et que le gouvernement invisible aura déjà commencé à corriger alors les abus de l'involution. Donc, on assisterait à des changements importants, des changements qui, en cette année 2022, où il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine et que les États-Unis ont supporté l'Ukraine, on s'attend pas à ce qu'il y ait une unification entre la Russie et les États-Unis, entre autres. Mais peut-être que il y aura un renversement spectaculaire pour 2023 où ces trois puissances pourraient être réunies ensemble, où ils devraient se rendre à une forme de gouvernement invisible qui pourrait être en relation avec les extraterrestres. Qui sait? Et c'est sur ces pistes que je veux amener, entre autres, mes invités à discuter aujourd'hui. Donc, là, c'était un préambule que je fais, mais avant de les amener à parler sur ces sujets, j'ai quelques petites annonces à faire. Tout d'abord, je pense que ça peut être intéressant, Mona, que tu parles un petit peu des formations que tu donnes en termes de yoga et de pilates thérapeutique. Ouais, excuse-moi, je suis partie dans le 2022, là. Là, ben, je donne des cours de yoga et de pilates qui sont devenus des formes totalement personnalisées. Je précise tout le temps que je touche pas au yoga spirituel, ça m'intéresse absolument pas 5000 ans, là, en arrière. Donc, ce que j'ai travaillé, c'est surtout un yoga d'aujourd'hui, ce que j'appelle un yoga contemporain. Pilates, c'est une technique qui est très connue par les danseurs initialement, qui a été amené au grand public il y a une quarantaine d'années. Et c'est une technique de restructuration musculaire qui aide beaucoup l'alignement des corps. C'est surprenant. Je ne pense pas qu'il avait deviné qu'il ferait ça, mais fait que c'est ça. Thérapeutique, parce que je travaille avec du monde qui ont souvent mal au dos. Qui a pas mal au dos, c'est aussi. Mais beaucoup de gens ont des sciatiques, sciatalgie, chronique, puis il n'y a pas de remède à ça. Fait que, en dehors de la physio qui fonctionne plus au Québec, si on pourrait en reparler, la mafia médicale du Québec. Mais ceci dit, je donne aussi un petit peu de coaching évolutionnaire, seulement avec des gens qui sont prêts à passer à l'action, puis de. J'y vais sur le contact. Si ça me dit tu le fais, je le fais, sinon, c'est non. Voilà. Et pour les gens qui seraient intéressés naturellement à suivre tes cours, que ce soit en présentiel ou en ligne, je vais mettre les coordonnées web là, qui se rapportent à ton site pour que les gens puissent entrer en contact avec toi. Sinon, est-ce que tu peux te déplacer un petit peu là, sur la droite? Oui, sur la droite de ton écran, parce que là, je perds une partie de ton visage là, dans le cadrage. T'es pas sérieux. Oui. Est-ce que c'est mieux comme ça? Encore un peu, s'il te plaît. Désolée, j'ai bougé mon écran, les amis. Et ça paraît, et c'est pour ça que je suis là et que je vous vois à l'écran pour réajuster le tir, étant donné que c'est un enregistrement audio et vidéo. Et ce qui peut être intéressant aussi de rajouter par rapport à toi, Mona, c'est que tu donnes de la consultation aussi en psychologie évolutionnaire. Application Daniel Ménard. Oui, parce que tu avais eu dans le passé du coaching que tu avais reçu de Daniel Ménard et à présent, c'est à ton tour de donner du coaching. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient bénéficier de l'une de tes consultations, comment procéder? Me contacter par courriel, tout simplement. À partir de l'information du site, les gens peuvent trouver mon contact par courriel, texto. Il y en a qui m'envoient des Skype, des textos. Je réponds pas à ça. Malheureusement, je vous manque. Alors, c'est mieux de me contacter, puis faut se parler. C'est gratuit. Le premier contact est gratuit. Puis j'écoute ce que ça me dit. Il faut que les gens soient prêts à passer à l'action parce que Ménard, la beauté de Ménard, ce que j'aimais de Ménard, c'est que lui, il prenait les grands principes de Bernard puis il essayait de les appliquer dans la forme. Et il a développé, j'ai réussi à régler beaucoup de problèmes, moi, dans ma vie avec ça. Fait que je pense que ça peut servir à d'autres, tout simplement. Mais il faut être prêt à passer à l'action. Il n'y a pas de philosophie, là. Si oubliez ça, c'est pas l'étude de la psychologie évolutionnaire, c'est l'application dans des patterns très précis. Qu'est-ce que je fais quand je souffre tout le temps de la même affaire. Je ne donne pas d'exemple précis, il y a toutes sortes de souffrances possibles, mais c'est des patterns, ça se défait. Ça se dévoile, ça se défait, puis ça peut même s'arrêter. Alors, c'est Donc, ça les gens l'approche. pourront entrer en contact avec toi. Et étant donné que tu procèdes à partir du web, j'imagine que ça peut être des gens non seulement au Québec, mais aussi en Europe. Oui, je suis internationale. Moi, j'ai un karma international, je vous le dis. Bon, Mais l'autre ben, chose excellent, que parce que je c'est un voulais enregistrement de visibilité internationale. Il y a beaucoup de personnes qui, quand je regarde mes statistiques sur YouTube, qui écoutent, que ce soit de la France, de la Belgique, là, en plus du Québec, là, naturellement. Brésil, j'ai une cliente au Brésil, j'ai une cliente en République, je ne sais plus où, là, quelque part sur la planète. Donc, on vous salue tout le monde en passant, peu importe l'endroit que vous nous écoutez là, par rapport à l'enregistrement présent. Sinon, Mona, est-ce que tu avais d'autres annonces à faire? Bon, c'est excellent. Donc, je vais aller du côté de Berthold par rapport à Berthold qui fait de nombreuses vidéos. Je pense que Berthold, t'en fais-tu deux ou trois par semaine vidéo ces temps-ci? Je pourrais pas dire, je le sais pas, j'en fais trop. Ne nous affolons pas. Non. T'en fais plusieurs, mais je veux dire, t'as quand même une régularité dans le sens, pas mal tous les vendredis ou samedis, tu vas enregistrer une vidéo avec la participation du public qui peuvent, de ce que je voyais là, dans les dernières semaines, te poser des questions ou te présenter des commentaires. Oui. Ben, pour ça, c'est pas mal. C'est pas mal ce que je fais de public le plus, puis c'est pas mal tout. Mais c'est quand même pas mal, là. Faut le dire parce que tu en fais aussi des enregistrements en solo, puis une fois de temps en temps, tu fais aussi des entrevues avec moi, là, donc ça fait Oui, beaucoup de matériel. Oui. puis je fais un live le samedi avant midi, habituellement, là. Puis bon, des fois, c'est devenu une habitude, donc des fois, je devrais peut-être pas, mais je le fais pareil. Donc, avis aux intéressés. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient interagir avec lui, eh bien, c'est sur YouTube. Donc, vous allez là, sur sa chaîne YouTube et souvent, si vous êtes abonné, bien, c'est indiqué live là, vous cliquez là, sur le lien puis vous allez pouvoir interagir là, dans l'espace de clavardage et souvent, tu vas lire les commentaires que les gens là, font en temps réel. Oui, j'essaie de tous les lire. Mais quand il y en a un que je lis pas, c'est parce que je l'ai pas vu. Ça arrive. OK. Jamais par hasard. Pense Sinon, pas, mais bon. en fait, ce que je voulais mentionner par rapport à toi, mon audiothèque comporte à présent plus de 600 enregistrements que tu as fait au fil du temps, là, que ce soit des entrevues avec moi, des segments aussi que, d'ailleurs, je le salue, le Supramental Berthold a identifié, qui a une chaîne sur YouTube et qui va prendre des segments, que ce soit des entrevues que je fais ou toi en solo, pour identifier les meilleurs extraits. Et à ce moment-là, bien, ça permet de bâtir un répertoire au fil du temps. Donc, il y a beaucoup de matériel qui a été fait là, au cours des 5 dernières années, qui a été produit. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens que ça intéresse, eh bien, vous allez avoir naturellement comme les coordonnées de Mona. Et également les informations aussi, là, tantôt je lisais là, par rapport à Bernard de Montréal, là, des passages là, en lien avec 2023, mais tout est sourcé. Vous allez avoir les liens web là, pour consulter vraiment les documents d'origine par rapport à ça. Le lien web, là, naturellement, par rapport à tes coordonnées là, à l'égard de ta chaîne YouTube, également là, mon audiothèque que j'ai faite là, par rapport à toi. Et en même temps, bien, je veux mentionner que Issia Perrin, qui a transcrit de nombreuses entrevues que tu as effectuées avec moi. D'ailleurs, ça a donné place à la production en cette année 2022 d'un deuxième livre, donc que je salue, que vous pouvez vous procurer gratuitement sur le web. M'a annoncé il y a à peine quelques jours que pour le 1er janvier 2023 va entrer en fonction le site web Diffusion Berthold, le feu de la parole. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, le but du site, ça va être de regrouper l'ensemble de ton matériel. Donc, je trouve que c'est une belle initiative qu'a fait. Et les coordonnées, naturellement, vous allez les voir en bas de l'enregistrement. Donc, c'est diffusion Berthold, feu de la parole, tout d'un bout, .wordpress.com. Parce que présentement, il y avait ton matériel sur Supramental Berthold. Moi, j'ai une partie de ton matériel. Ensuite, toi, ta chaîne présente YouTube, mais tu en avais déjà une dans le passé qu'on ne retrouve pas le matériel sur ta chaîne actuelle. Donc, elle va, à travers son site web, viser à faire une intégration, regrouper le matériel là, pour les gens qui seront intéressés là, à découvrir plus en détail, là, naturellement, au fil du temps. Sinon, est-ce que tu avais d'autres annonces à faire de ton côté? Non. Parfait. Sinon, moi, de mon côté, en terminant, je rappelle aux gens que si vous appréciez mes enregistrements que je rends disponibles sur le web, vous êtes les bienvenus pour me faire une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, dont vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement présent. Donc là, c'est vrai, on va commencer cette revue de l'année. Donc, en début de l'année 2022, l'un des événements marquants, ça a été le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui a eu cours le 24 février 2022. Donc, un an jour pour jour avant le 24 février 2023, dont nous parle Richard Glenn. Est-ce un hasard ou une coïncidence significative? Quoi qu'il en soit, la guerre a débuté en cette année 2022. Et dans un premier temps, ben, je voulais vous amener à commenter sur le déroulement de cette guerre particulière qui a cours depuis plusieurs mois et aussi voir votre vision de son évolution au fil du temps, dans le sens, est-ce que c'est une guerre qui, pour 2023, va, dans le fond, diminuer ou il va y avoir une paix qui va s'établir ou au contraire, ça risque d'empirer? Et de déboucher sur ce que certains appelleraient la Troisième Guerre mondiale ou peut-être même l'Armageddon nucléaire, dans le sens qu'il y aurait peut-être même l'utilisation nucléaire qui pourrait avoir lieu, advenant une escalade de plus en plus grande là, au cours des prochains mois. Donc, voir un petit peu votre perspective par rapport à ça. Fait que là, c'est vrai, je vais vous laisser parler. Ben, je laisserai Mona commencer. Ah! J'allais dire la même chose, Bertrand. J'ai rien comme info. Question précise. Est-ce que la guerre en Ukraine continue en 2023? Moi, ça me dit non. Mais là, je ne vais pas sur des nouvelles, je vais sur mon senti, ma perception. Pour moi, ce n'est pas vraiment, premièrement, une guerre. Ce ne sera pas la Troisième Guerre mondiale. Pour moi, il n'y en a pas de Troisième Guerre mondiale. Il n'y en aura pas, pour ma part, du moins pour ma perception. J'ai toujours perçu que le plan supérieur, beaucoup supérieur au plan de Trump fait et compagnie, là. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé à contrôler ça. C'est pas d'hier. Puis pour moi, la Troisième Guerre mondiale est sous contrôle. C'est impossible qu'il y ait un piton qui part, pour moi. Vas-y, Bertone, c'est à peu près la seule chose que je vois sur la guerre d'Ukraine. Ben là-dessus, c'est difficile parce que, comment je pourrais dire ça? Je suis subjectif par rapport à ces sujets-là. J'ai une pensée qui est colorée. Okay. Beaucoup. Moi, ben, c'est comment je pourrais dire ça? J'ai toujours pensé qu'il y aurait une Troisième Guerre mondiale puis que ça serait lié à l'Iran. Mais ça fait partie de la subjectivité de mon opinion. Puis ça vient toucher aussi des choses c'est émotif un peu chez moi. Donc, je me fie pas, même pas à ce que j'en pense. Puis, au niveau du contact, dans la dernière année, j'ai eu tellement de troubles avec. Que finalement, eux autres non plus, j'y crois pas. Puis de toute façon, bon, faut pas. Mais il semblerait que j'ai l'impression, moi, que ça va empirer encore. Mais là, est-ce qu'il va y avoir un holocauste nucléaire? Ça, je penserais pas. Je suis d'accord avec Bertha, là, qu'il y a une augmentation de l'intensité de menaces de guerre, mais je ne perçois aucune guerre. Mais comme ça peut être un subjectif aussi parce que je suis une personne qui n'aime pas tellement la guerre. Alors, mm-hmm. Ça se peut que c'est une perception qui est très difficile de savoir l'avenir là-dessus. Mais pour moi, c'est pas l'Ukraine. Je suis un peu comme Bertol. L'Iran, c'est à surveiller, c'est clair. Oui, il peut avoir une implication. En fait, l'Iran est déjà impliqué à l'égard du conflit qui court entre la Russie et l'Ukraine, étant donné que l'Iran a fourni des drones à la Russie pour attaquer l'Ukraine? Si peu, oui. C'est tout du niaisage, ça, pour moi. Excuse, Bertol, vas-y. Moi, ben, l'affaire, c'est que, bon, il y en a, ben, c'est comme je dis, moi, je veux penser coloré par rapport à tout ça, donc je me méfie de ma propre pensée. Mais si l'Iran puis la Russie sont alliés comme ils le sont, puis que, bon, C'est par rapport au Moyen-Orient. Si jamais les Russes seraient attirés par leurs alliances dans un conflit au Moyen-Orient, ben là, ça pourrait aller vite, là, une escalade rapide. Mais là, ça, c'est mon intellect, là, On qui oublie aussi fait Israël que. aussi, Alberta, Ben, Israël, c'est d'eux que je parle, le là. Moyen-Orient. Le Mossad. Le Mossad. Ouais, ben, c'est ça. Si advenait là, que les Russes décidaient d'intervenir au Moyen-Orient, ça pourrait aller vite. Donc oui, c'est un petit peu à eux autres que je pense, là. Mais là-dessus, je sais que je suis subjectif parce que, comment je pourrais dire ça? Ben c'est ça, ma pensée est colorée par le fait que ça vient toucher des sujets que, bon, ben je suis subjectif sur ces choses-là parce que je suis coloré par de la croyance. OK. Carrément. Sinon, par rapport à la guerre en Ukraine, selon vous, quelle est sa fonction occulte, s'il y en a une? Ben, pour moi, l'Ukraine, c'est une construction du Deep State. Fait que ça sert les forces de l'occulte de la marde, comme d'habitude. Pour moi, l'Ukraine va disparaître. Le pays va. D'ici 2030, je pense que l'Ukraine n'existera même plus. Est-ce que C'est ça pas va. mal ça aussi. OK, l'Ukraine disparaît en tant que pays. Est-ce qu'il va être fragmenté en une partie qui va être rapatriée là, dans l'Est à la Russie, puis une autre dans les pays voisins? Comment vous voyez ça? Ben, moi, je vois rien. Je fais juste savoir que je pense qu'elle sera plus là. Mais comment ça va se faire? David, je suis pas une magicienne, puis je suis pas Dieu. Non, Il y a non, moi. Après, je comprends très bien. En fait, le but de la Dieu. question, c'était d'avoir une perspective d'avenir en lien avec les événements présents. Mais par rapport à l'Ukraine, vu que ça a quand même défrayé la manchette là, depuis plusieurs mois, là, le conflit. Comme l'Ukraine, un État deep state construit par le deep state, créé par le deep state lors de la fin de l'URSS. Ce serait le fun que les gens fassent la différence un jour entre l'URSS et la Russie d'aujourd'hui. Maintenant, il faudrait upgrader la disquette au Québec, là, surtout, parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles ici. Puis moi, les médias, ce qu'ils disent, David, je les écoute pas, parce que c'est simple, tu inverses tout ce qu'ils disent, tu as peut-être une petite idée de ce qui se passe. Fait que s'ils disent que l'Ukraine est en fin de vie, ça va être l'inverse. Et s'ils disent que, je sais pas, moi, la télé, j'écoute pas ça. J'écoute pas Ben, la télé. c'est déjà une illusion, l'Ukraine, tant qu'à moi, parce que l'Europe, si on regarde juste l'Europe centrale, il n'y a plus de nation vraiment. Il y a un gouvernement européen, puis Bruxelles, puis dans le fond, c'est, bon, les Américains, entre autres, je veux dire, c'est l'OTAN, puis au fond, c'est pas une guerre avec l'Ukraine, c'est une guerre avec l'OTAN, les États-Unis, puis les services américains, anglais, israéliens. Donc, l'Ukraine, c'est juste un terrain. Oui, Un terrain. ben on n'est pas dupe, c'est-à-dire qu'une guerre par Suivre leur sport procuration. d'argent aussi, David. N'oublie pas que l'argent qu'ils ont envoyé là-bas, c'est pas pour armement, là. C'est du blanchiment d'argent qui se fait. Les armes, là, il y a des gens qui trouvent des armes qui partent de les États-Unis. Ils sont marqués, là, ce qui est envoyé. Ils sont tous identifiés. Puis c'est étrange, ils se retrouvent dans d'autres pays, tu sais. Ah oui, les revendent Ils en revendent. une partie. Il peut en C'est avoir une miraculeux, partie qui l'Ukraine. revendent, mais il y a quand même des batteries antimissiles qui ont été utilisées, là, qui ont été fournies par les Américains aux Ukrainiens, là. Tu sais, je veux dire, il y a quand même du matériel qui s'est rendu sur place, là. Mais il y a 1/10 de la marchandise, c'est quoi? Puis ça, souvent, ils déraillent en cours de route. Ils sont même pas foutus d'envoyer de l'équipement qui est très up-to-date. Tu vois bien qu'il y a une game qui se passe. Bon, puis ça arrive dans les mains des gens pas très formés. En plus, ça lui Donc, joue dans les mains, c'est vrai. oui, Ils ben. s'attaquent eux-mêmes avec ça, tu sais, c'est pas drôle, là. Moi, je trouve ça très triste parce qu'en fait, ce pays-là est manipulé, complètement manipulé, mais il y a du monde qui vit là-dedans et qui souffre de ça. Il y a 200 000 morts minimum présentement en Ukraine, même si à la TV, ils en parlent de à peu près pas grand-chose, là. Mais ces 200 000 morts, c'est pas les Russes qui les ont provoqués, les amis, là. C'est pas l'armée russe qui a provoqué le plus de morts en Ukraine, hein. De toute façon, l'Ukraine, ben, c'était devenu une zone tampon. C'est ça. Puis ça avait arrêté de l'être un petit peu. Puis c'est sans trop ça qui a mis le feu. Mais il reste que c'est une construction, l'Ukraine. C'est quasiment quelque chose de virtuel, là. Donc, c'est comme la ruelle de l'Europe, là. Puis c'est là qu'il se faisait les raquettes, là. C'est comme la ruelle en arrière d'une taverne. Exactement. Sinon, Puis ils par... servent l'Ukraine pour aborder la Russie, hein. Faut pas oublier que la Russie puis l'Ukraine, c'est collé. Fait que on peut comprendre les Russes qui décident de dire non à l'Ukraine puis à l'envahissement de l'OTAN à travers l'Ukraine. Parce que c'est ça la réalité. Les accords de Minsk et tout ça qui a été jamais respecté. Il y a tellement. Faut vraiment faire de la recherche sur l'histoire de la Russie pour comprendre ce qui se passe. Mais ça reste une guerre. T'sais. C'est très difficile d'être à l'aise avec ça. qui dure au fond depuis 2014. Ouais. Et même Donc. plus, Bertol, on le sait, là, mais officiellement 2014, solide. Beaucoup de morts. C'est pas les Russes qui venaient tuer du monde en Ukraine, là, en 2014. C'est des Ukrainiens qui attaquaient d'autres Ukrainiens. Oui, les Le séparatistes dans le Donbass, là, dans l'Est, parce qu'une partie des Ukrainiens ne voulaient pas qu'ils se séparent, puis il y en a d'autres qui voulaient être indépendants, donc il y avait déjà une guerre intestine. Et c'est Ouais. sûr que. Oui. Ah, j'allais juste dire, ça me fait penser, c'est à un autre degré, mais ça ressemble un petit peu à les chicaneries qu'on a vécues sur l'indépendance. Mais là, c'est à un autre niveau. Oui, au Québec, là, dans le sens que des Québécois, de Canadiens français voulaient se séparer des Canadiens anglais. Donc, c'est sûr que moi aussi, ça m'a fait penser un peu à ça, là, dans le sens que si, par exemple, nous autres, on serait attaqués par les Canadiens anglais, puis on serait bombardés, un peu comme les gens, qu'on dit séparatistes dans l'est de l'Ukraine, et les États-Unis interviendraient pour dire non, non, vous arrêtez de faire ça. La Russie, c'est un petit peu comme les États-Unis qui pourraient intervenir pour essayer de placer l'ordre, là. Mais on était infiltrés dans le mouvement. Le mouvement, l'ARN, j'ai 61 ans, puis l'indépendance du Québec, c'est pas commencé avec René Lévesque, là. Monsieur René Lévesque Bourbeau. a trahi sa nation en passant. Tiens, une petite nouvelle pour le monde qui Oui, savent oui. pas, là, les indépendantistes du Parti québécois. Ouais, excusez, je suis méchante. Mais j'en ai ras le cul, là, d'entendre des conneries. René Lévesque, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller signer l'acte de reconnaître la reine une fois élue. Il me semble que ce parti-là avait été élu pour l'indépendance du Québec. Tu vas pas signer. Ben oui, je reconnais la reine du Canada. Mais ça marche pas. Il était mort drette, là, son projet. Puis il savait, c'est lui qui l'a signé. Donc, on a été trahis par l'in... Il y a quelque chose qui est infiltré complètement. La C'est le premier formation, l'affaire de M. Bourgault, ça avait fait peur un petit peu. Ben oui, Fait que on... là, ils ont créé le PQ pour récupérer. Puis Moi, j'ai eu ça. Bourgault à l'école, à l'université, comme prof Ah en oui. communication à l'UQAM. Il nous en a appris des choses, le monsieur. Ah oui, il y a eu Guillaume Lepage comme élève aussi. Pas donné le même résultat. Non. Il y a eu toutes sortes de monde, mais pour ce qui est de l'Ukraine, je voulais quand même vous entendre aussi par rapport au fait que Vladimir Zelensky, président de l'Ukraine, a été nommé personnalité de l'année 2022 par Time Magazine. À part, c'est bonne. Qu'est-ce que tu veux? Ben, il avait nommé Hitler personnalité de l'année à un moment donné, Oui, dans en le temps. 1933, Adolf Hitler, puis Greta Thunberg en 2019. Donc, comment Y a comme trouvez-vous un. ce choix? Est-ce que vous trouvez que d'avoir nommé Zelensky comme étant personnalité de l'année par rapport à son influence au niveau mondial, est-ce que vous trouvez que c'est un choix qui est pertinent? Moyennement. Il aurait pu mettre Biden, mais il n'y a pas de personnalité. Donc, bon. Surtout ces temps-ci, il y en a Ouais, plusieurs. On ne sait pas pourquoi. partout. Ben, Ben non, en vérité. d'une certaine façon, au niveau de la job qu'ils font, le Times, qu'ils ont tout le temps fait, ça fit, là, je veux dire, ça fit. Ils sont pas pour mettre Klaus Schwab, personnalité de l'année. Il y a juste du monde. Bon, c'est pas tout, c'est pas assez grand public, on n'en parle pas assez. Ils devraient Effectivement. mettre Bill Gates, personnalité de l'année, mais attends, il y a du l'être, je sais pas. Mais moi, le Times, bon, ils peuvent nommer qui ils veulent personnalité de l'année, là, c'est comme les prix Nobel, ça change pas grand-chose. C'est de la communication, justement, c'est pas mal tout. Zelensky. Non, moi, je ne dirais pas ce que je pense de Zelensky. C'est un trou de cul fini. Voilà ce que je pense. Un trou de cul fini. Mais il est charrié, manipulé comme ben du monde, mais. OK. Mais sinon, je voulais vous amener aussi à parler de l'économie, parce que en cette année 2022, on a connu des records par rapport à l'inflation, que ce soit au Canada, aux États-Unis, dans les pays aussi d'Europe, avec une augmentation du taux d'intérêt. On s'est ramassé confronté à des pénuries, notamment des pénuries de pièces automobiles. On a été confronté à la dégradation du pouvoir d'achat avec l'augmentation de la nourriture, une crise énergétique importante en Europe, là, suite à naturellement à la guerre en Ukraine qu'on nous dit. Donc, par rapport à ces chamboulements au niveau économique, la question se pose à savoir, est-ce que nous sommes, selon vous, rentrés dans l'ère de la fin des biens de consommation, des aliments et de l'électricité à bon marché? Non, je pense pas non. Vas-y, Bertin. Je pense pas non plus dans le sens que oui, on sert de, on, dans le fond, c'est de l'instrumentalisation du contexte tant qu'à moi. Mais ça peut pas là, je veux dire, on n'arrive pas à la fin des marchés nécessairement, mais ça va se transformer parce qu'ils ont décidé ça, on dirait. Mais il reste que, bon, juste avec ce qui est arrivé par rapport le prix du blé, puis que ça a servi de prétexte pas mal, puis aussi on nous ment pas mal tant qu'à moi sur l'inflation, là, je veux dire, on la minimise beaucoup. Moi, mes yeux, ce que je vois là-dedans, bon, on n'est plus dans le temps des purges comme Mao ou Staline, mais il reste que ça revient un petit peu à ça. Il y a des purges là, qui se font. On sort des marchés pour, bon, un petit peu comme en ce moment là en Chine, ils ont arrêté leur. Il y avait des. C'était drastique, eux, les confinements. Ça affaiblit les gens, puis là, tout d'un coup, ils relâchent la pression. Puis là, en ce moment, tout le monde est malade. Puis même dans le PCC, là, il y en a qui sont malades puis qui meurent. À mes yeux, c'est des purges. Je le vois comme ça. Purge, à quel niveau tu penses purge? Purge au niveau de la race humaine pour nettoyer la race, aller vers d'autres choses, sixième race racine qui prenne sa place, ou tu parles d'une purge plus terre à terre, là? Oh, terre à terre, là, c'est de la gestion politique, mais hypocrite, là. Ok, je suis d'accord. Parce que c'est ça, on dirait que c'est d'éliminer du monde. Bon, on a vu que si faire sortir son bras droit en public, ça, en passant, ça parle, hein, t'as vu? Je ne sais pas si tu as vu, Bertha, là, mais son bras droit, je ne sais pas son nom, mais il était dans un congrès il n'y a pas longtemps, il y a un peu moins d'un mois, d'après moi, un mois et demi, même pas. Son bras droit, il l'a fait sortir publiquement. Xi Jinping, là, quand il y en a un qui était proche de Ah! lui, là, qui. Oui, moi je l'ai vu en vidéo. Ben ouais, mais Donc. c'était. Voyons, comment il s'appelle? Lui, c'était un ancien président. C'est pas. Bon, c'est C'est pas de. l'ancien président de J'ai tout la le temps Deng Xiaoping dans la tête, mais il est mort, ça fait un bout, là. C'était qui? Donc, c'est l'ancien. Ben Non. lui, je pense que c'est pour faire un exemple, ils ont fait un show. Ben pour moi, c'est une évacuation du Deep State, ça. Ouais, bah, je sais pas. Avec Parce qui que, mais. voyons, c'est lequel, donc c'est un ancien président, en tout cas. C'était un peu comme, ben moi, je vois là-dedans, c'est comme s'il avait fait un exemple, un peu. Ça ressemblait à ça. Puis c'était pas bien beau, là. Il y avait quelque chose d'indécent, un petit peu. Mais c'est surprenant en Chine, parce que là, on a affaire un peu à un patriarche, là, qui se fait sortir par un jeune. Je trouvais ça surprenant un peu. Mais ouais, mais il y a quelque chose qui était mis en scène, là, clairement. Mais pour moi, ça signifie quelque chose. Je crois, puis là, c'est une croyance en passant. J'ai pas de, comme un peu Bertold dit, ça peut être subjectif. Je crois profondément qu'il y a une alliance, je dis depuis 2 ans et demi, une alliance entre Trump, Xi, Poutine depuis longtemps. Je pense que c'est même depuis 2017-2018 qu'ils ont réglé tout cela en arrière-plan. Puis le Bah, je plan, suis c'est curieux. de nettoyer la swamp. Hein. Fait que peut-être que Xi veut nettoyer la swamp de son pays. On parle du Deep State, je ne parle pas du Parti communiste chinois qui est bien différent, à mon avis, même s'il est noyauté par le Deep State, là, on le sait. Mais l'État profond. Moi, tant qu'on ne parle pas de l'État profond, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Parce que l'État profond, c'est les banques. C'est ceux-là qu'il faut aller. C'est quand on va parler des banques mondiales, là, on va parler de quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça va sortir en 2020. C'est pas Yann Zemin? Je suis pas capable de te dire le nom, Bertha, j'ai pas de Il me mémoire semble que de. c'est Jiang Zemin. Ben, c'est sûr que, bon, Xi Jinping, personnellement, j'ai pas ben, plus confiance qu'en Trump, mais là, je suis pas une référence là-dessus parce que j'ai confiance en personne. Donc. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est, on le sait que c'est une guerre des oligarches, hein? C'est des riches qui se font la guerre là, à nos frais, aux frais du petit monde en bas. Ce que je dis, c'est que dans le fond, c'est qu'il y a une partie des oligarches qui se sont associés contre cette oligarchie qui mène le monde présentement. Est-ce que ça va être mieux après? On verra, là. Moi, je pense qu'une oligarchie, c'est pas mieux qu'une autre, là. On verra. On verra. La suite. Exactement. Mais pour ce qui est de la situation économique, en 2022, on a vu l'augmentation des coûts de la consommation. On a même une pénurie de salade lors de 2022, l'automne ici au Québec. Et est-ce qu'à travers ça, bon, tantôt, Bertone nous parlait de purge, est-ce que à mesure qu'on va continuer dans le temps, dans les prochaines années, donc que ce soit 2023, 2024, là, est-ce que dans l'optique, entre autres, de l'agenda 2030 des mondialistes par rapport à ce que certains appellent le Great Reset, la grande réinitialisation, donc Klaus Schwab, parce que l'une des visées, c'est d'amener les gens à moins consommer. Par exemple, arrêter de consommer de la viande, parce qu'on dit que c'est plus polluant, et à place, manger des insectes. Donc, est-ce que la situation sur le plan alimentaire qui se dessine, puis qui a commencé avec une augmentation fulgurante, parce que je l'ai constaté à l'épicerie, puis c'est probablement la même chose pour les gens qui nous écoutent, que ce soit la viande, les œufs, les denrées de base, le lait ont beaucoup augmenté cette année. Est-ce que progressivement, à travers ça, on nous oriente, on nous prépare à soit devenir végétarien ou manger des insectes? Ben, moi, ce que je vois là-dedans, c'est du darwinisme social. Et voilà. C'est ça que je veux dire, c'est les. Dans le fond, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des nazis, là, qui détestent les gens faibles. Puis c'est du mépris carrément, c'est du monde. Bon, c'est surtout d'éliminer le bois mort. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que un test d'intelligence qui nous pose? Ben, c'est Jacques Attali, il avait dit, on ne peut pas faire passer un test de QI à tout le monde. Donc, on va mettre en place des circonstances pour que ça se trie d'eux-mêmes, puis les plus forts, les plus intelligents vont survivre, puis les autres, on va s'en débarrasser. Puis en passant, peut-être préciser pour les gens qui est Jacques Attali, hein, Bertone. Ah, oh, ben moi, je dis que c'est le président de la France depuis 40, qu'il n'y en ait plus, depuis 68 et plus. Ben, dans le fond, c'est le conseiller des présidents français. Lui, il dit qu'ils ont tous rencontrés par hasard, mais c'est, disons, c'est un peu comme le. Celui qui est aux États-Unis, là, depuis, qui est Kissinger, Eric là. Hensinger, ouais. Bon, c'est le Kissinger en France. Mais à mes yeux, c'est un peu, le représentant du Mossad, la CIA, puis toutes ces choses-là, les banquiers internationaux. C'est ça. Pour les gens, parce que moi, je savais c'est qui, Jacques Attali. Mais tu fais bien, Mona, d'intervenir, parce que c'est sûr que l'optique de l'enregistrement, c'est de permettre aux gens d'avoir une compréhension des individus ou des personnages auxquels on fait référence, donc de contextualiser l'information, de la vulgariser C'est pour ça. que les gens puissent se retrouver en écoutant cet enregistrement. Parce qu'en effet, Jacques Attali n'est pas nécessairement très connu ici au Québec. On ne le voit pas dans les bulletins de nouvelles de TVA ou Radio-Canada. Par contre, c'est Les quand Américains même et les Français un. connaissent, par exemple, parce qu'il y a un sacré impact sur, tu sais, l'Europe. Avant que, personnellement, j'ai toujours eu l'information, personnellement, j'ai l'information depuis 20 ans que l'Amérique du Nord est protégée, en passant. Ça fait, je ne sais pas pourquoi j'entends ça tout le temps comme phrase. Si je pose une question, je dis, est-ce qu'on est en danger? Ça me dit, l'Amérique du Nord est protégée. L'Europe, moins une autre, c'est pas mal une autre histoire. Oui, ben, il y a plusieurs années, je disais à des gens, je disais, si tu as la possibilité de quitter l'Europe et de venir au Québec, ce serait peut-être mieux. Puis je disais, non, non, c'est pas si pire. Puis je disais, ouais, mais là, il va y avoir de l'inflation à un moment donné, vous n'arriverez plus. Puis là, je parlais à une dame qui avait, bon, une situation qui est, bon, un petit peu précaire. Puis, non, les gens, ils. Donc, bon, je n'ai pas à dire au monde quoi faire, mais il reste que moi aussi, j'ai tout le temps pensé que le monde nouveau était bâti avec les briques de l'ancien un peu. Donc, puis l'Europe, juste savoir comment le plan Marshall, puis comment les Américains vampirisent dans le fond l'Europe, entre autres. Exactement. Donc, je me sens un petit peu plus en sécurité en Amérique du Nord. Je veux dire, les banques européennes sont en difficulté, puis pourtant au Canada, c'est pas si pire. Exactement. Dis qu'il n'y aura rien qui arrivera ici, je ne sais pas, là, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que si le nouveau monde part ici, c'est clairement simple à comprendre. Il faut partir sur des bases où il y a moins de mémoire. L'Europe, c'est vieux, tu sais. Que le Québec, c'est un peuple qui est jeune. Puis Bernard de Montréal, qui initie ici le mouvement de la conscience supramondale, annonçait que le monde nouveau, justement, là, la pensée nouvelle viendrait d'ici, là, qui rayonnerait sur le globe, là. Ben, quand il dit la lumière viendra de l'Occident, à mes yeux, c'est encore plus à l'Ouest que l'Europe, là. Donc, c'est un peu en Amérique, là. On verra, Ouais. j'espère. Je ne veux pas vous décourager, les amis européens qui nous écoutent. Là, c'est pas ça, je ne suis pas Dieu, là, mais c'est sûr que ça brasse plus solide. Les États-Unis, Bertolt, ce qu'il dit, c'est ça, c'est du vampirisme. C'est le deep state américain. Je ne sais pas si les gens ont remarqué que depuis qu'ils font la guerre avec la Russie, toutes les contraintes qu'ils ont prises se tournent contre les Français, contre les Européens, principalement. Ben oui. Puis je pense que l'Union européenne est sur le bord de tomber. En passant, on n'en parle pas, mais je pense que l'Union européenne en 2023 tombe. Ben, ça sent la guerre civile, je trouve, là. Ben, franchement, là. Ça sent mauvais. Ouais. Oui, ben Ouais. exactement, avec l'augmentation, entre autres, du coût, ça soit du carburant ou de l'électricité en Europe, sont plus affectés que nous autres, ici, là, naturellement, par rapport à ça. Eh Donc, bien, David, c'est hallucinant. J'ai quelqu'un qui me disait que c'est fois 600 %. Juste pour te chauffer, là. Si ça coûtait 40 euros fois 600 %, bullshit, là. Attache ta tuque avec de la broche. C'est solide. Puis là, les ils industries. vont créer le plan vert, Bertolt, t'as vu le plan vert. Ils repartent des centrales au charbon pendant. Ben, c'est comme si l'énergie augmente à ce point-là, je veux dire, les industries en Allemagne et en France, qui sont les industries en Europe, dans le fond, je veux dire, c'est comme l'Allemagne, c'est dans les pays importants pour. Ils vont faire faillite, ça se peut pas, là. Mais il y a des petits trucs. J'ai lu des affaires dans le dark web là, il semblerait que l'Allemagne a trouvé une façon d'avoir du pétrole russe en passant par je ne sais pas quel pays, je ne me rappelle plus quel pays. Ils se contournent. C'est l'Azerbaïdjan, je pense. Non, je sais pas. Oui, Je me rappelle plus. c'est ça. C'est Azerbaïdjan, c'est ça. OK, Il y a bon. bien des choses qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est si tu reviens à la question de David, moi, le petit 7 %, 8 % de récession qui nous parle, c'est de la bullshit au Canada puis au Québec. Juste l'épicerie a augmenté de 30 % minimum. Ah Moi, je oui. fais la même épicerie à chaque semaine ou 15 jours, puis le prix a monté d'au moins 30-40 %. Alors, je ne sais pas de quoi il parle quand il dit une petite augmentation de l'alimentation de 7 %. What? Mais en fait, What the l'augmentation, c'est peut-être globalement 7 ou 8 %, mais Même pas, ça se peut pas, David, ça se peut pas. Je sais pas ce qu'ils trouvent les chiffres, ça se peut pas. Même l'essence a pas de, le prix qu'ils nous vendent n'a pas d'allure. Le prix du pétrole jusqu'à il y a pas longtemps est en bas de 90 $ De le baril. baril. Puis Chris, ils nous vendent ça à 1,60 là. T'sais, non, c'est dans toutes les sphères, les maisons à des prix de fou. Pourquoi je suis encore à Montréal? Parce que j'attends que le monde s'effondre. Ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas acheter une maison, moi, une maison usagée que tout est à refaire à 500 000 dans le nord des Laurentides. Y a-t-il quelqu'un qui a compris quelque chose? La province la plus pauvre au Canada, c'est-tu, avec des prix de fou? Qui va payer ça à un moment donné? Qui va être capable de se Ben payer ça? c'est là la question qui se pose. Est-ce qu'on se dirige vers des faillites multiples pour l'année C'est 2023? clair. C'est clair qu'on s'en va dans des faillites multiples. Mon comptable m'en parle déjà. Ben J'ai oui. ri de moi il y a 2 ans, mais là, c'est moi qui ris de lui aujourd'hui, parce que là, il l'a dans la face, le comptable. Ben oui, ben je pense juste, si on regarde comme les Autochtones qui vivent dans le Nord, qui payent déjà, je pense qu'un melon d'eau, c'était déjà 80 $, là. Fait que j'ose, moi, je vous considère c'est comme de l'extermination. Là, je veux dire, ils n'auront même plus moyen de se nourrir. Fait qu'ils n'auront pas le choix de recommencer chasse et pêche. Mais là, tout est plein de métaux lourds. Puis là, ça va être les taux de cancer qui augmentent. Ça, c'est si on ne les interdit pas la pêche, parce que là, l'accès à de l'eau aujourd'hui, ça te prend quasiment un permis pour entrer sur le bord d'un lac au Québec, là, puis au Canada. Ouais, mais on dirait qu'en même temps qu'on prend ah, les Premières Nations puis les modes de vie traditionnels, ben donc bon, c'était un peu comme si c'était sacré, puis là, le gouvernement les laisse faire, mais il reste, ils ont des taux de cancer anormaux, là. Donc, bon, c'est sûr que eux, je veux dire, j'ai pas vu de reportage, moi, sur ces places-là dans le Grand Nord. C'est évident que le coût de la vie, eux autres, il était déjà anormalement élevé. Donc, j'ose même pas imaginer comment c'est maintenant. Puis, c'est presque une stratégie encore, comme je disais, là, de purge. Oui, mais si les gens, ça les intéresse, la région des Autochtones, il y a François Chartrand et sa compagne Agnès, David, aide-moi. Ben, C'est une dame qui vient de la je me rappelle Belgique. pas de son nom, là, son nom de famille, mais si les gens vont sur Odyssey ou YouTube, là, je sais qu'ils ont déjà fait des vidéos ensemble là, François pour Chartrand, aborder la question des Autochtones, là, ouais. il parle aussi de comment ils font pour l'argent qui est supposé se rendre, qui ne se rend pas, tout ça. C'est toujours dans le but d'une purge, à mon avis aussi. Ça va Bon, dans je le ne serais pas sens. surpris, là. En Haïti, ça a été un petit peu. Il y a plein d'argent qui a été envoyé là, suite au tsunami de 2010, puis ça ne s'est jamais rendu aux personnes concernées. Ouais. Ben, comme ben, juste Haïti, je veux dire, c'est une arnaque, là, dans le sens l'aide humanitaire, là, à Haïti, les ONG. Puis la plupart des ONG, c'est tout le temps des choses comme ça. J'avais un cousin qui avait été dans des programmes, lui, il avait eu des problèmes. C'était un jeune de la rue, puis il était allé en Amérique du Sud avec une affaire de l'Église catholique, là. Puis quand ils sont revenus de l'Amérique du Sud, lui, il est venu me dire, il dit, les prêtres, ils passent de la drogue parce qu'ils sont pas fouillés, eux autres, à l'aéroport. Puis il dit, ils passent de la drogue. Ben, lui, il avait été témoin de ça, mais je le crois. Je n'ai pas de preuve, mais je le crois. Je suis pas mal sûr. Fait Ben, que il y bon. a un cours à partir de, qui a inspiré d'ailleurs une télésérie sur Netflix que j'ai écoutée là, il y a quelques semaines sur justement, le gars il se faisait passer pour un prêtre, puis c'est un baron de la drogue en Amérique du Sud. Ben ouais, en Amérique du Sud, si tu veux faire tous les crimes que tu veux, tu te mets un col romain, c'est pas compliqué. Mais je dirais, non, on a remplacé le colonialisme par de la bienfaisance, là, hypocrite. Oui, de l'aide Exactement. humanitaire, dans le fond, ça me faisait penser au néocolonialisme. Là, il y a un documentaire sur Netflix là, par rapport à ça, où par exprès, on garde les gens dépendants parce que ça devient une industrie. L'aide Ben oui. humanitaire récurrente en Afrique, puis tu as des vedettes. Ça a été Michael Jackson avec ses Télétons. Là, après ça, 30 ans plus tard, c'est Justin Bieber pour amasser de l'argent pour de la famine en Afrique. Fait que là, tu as des gens qui se bâtissent du capital social pour bien paraître aux yeux de l'humanité. Ben oui. Ouais. C'est Donc, ça. comme Léo DiCaprio, puis l'écologie, puis il est ami avec des milliardaires qui ont des bateaux, qui ont des bateaux qui polluent plus que. Ça, non, c'est n'importe quoi, c'est de l'hypocrisie. Bolsonaro, il est rentré dans le derrière solide à lui, là, l'acteur dont tu parles, parce que c'est pas vrai qu'ils Bon. détruisent la forêt amazonienne selon Bolsonaro. Moi, je Ben, suis pas à l'aise. parlant d'écologie, je voulais aborder le sujet de l'écologie par rapport à l'année 2022, étant donné qu'en décembre 2022, s'est tenue à Montréal la COP 15, 15e conférence des parties, qui est le sommet de l'ONU portant sur la biodiversité, donc du 7 au 19 décembre 2022. Et le but, c'était de faire face à la menace à la biodiversité, parce qu'apparemment, il y aurait plus d'un demi-million d'espèces terrestres qui seraient en voie d'extinction présentement. Suite à l'événement, un accord est signé en différents pays pour la protection de 30% des terres et des océans d'ici 2030. Par rapport à la menace qu'on nous dit qui est très présente à l'égard de la biodiversité, qu'est-ce que vous en pensez? Mona. Je suis morte de rire. Encore des mensonges. Je dis pas qu'on. Je dis. Bon, essayons de partir ça comme de l'allure. Je dis pas que. Les gens, des fois, entendent mal mes propos. Je dis pas qu'il n'y a pas de pollution sur la planète en passant. On pollue, on peut faire mieux, c'est certain. Mais de là à croire ce qu'ils nous disent, ça, oubliez ça, j'embarque pas là-dedans. Premièrement, si les océans sont aussi. Ça fait 30 ans qu'ils annoncent la fin du monde en passant. Là. En 2000, on ne devait pas passer le bug de l'informatique. Après ça, ils nous radotent les mêmes chansons depuis 35 ans. Fait que je ne sais pas, là, je suis peut-être. Les gens sont. J'ai 61 ans, il y a du monde qui doit avoir une petite mémoire de ce qui. Il semblerait qu'on n'a pas de mémoire, mais ça fait 30 ans qu'on se fait casser le cul. Depuis que je suis au monde, on me fait casser le cul avec les crises économiques. On va mourir. En 1980, je rentre sur le marché du travail, c'est la crise économique, c'est la fin du monde. Fait que moi, je vis dans la fin du monde depuis tout ce temps-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, qu'il aille se faire voir ailleurs. Puis, si c'était si réel que ça, je vois pas pourquoi Barack Obama aurait été acheté dans le Maine à 200 mètres de la mer. Même pas 200 mètres, 200 pieds de la mer. Une super maison à quelques millions, hein. Puis ça s'est fait en 2021 ou 2022. Fait que pour un gars qui annonce la fin du monde des océans, je sais pas ce qu'il va calisser là, lui. Ben oui, lui, il visait à lutter contre les changements climatiques, dont la hausse justement de l'océan. Mais c'est sûr qu'en parallèle avec la menace des changements climatiques, où en 2022, il y avait également une COP qui a été organisée en Égypte. Là, je parlais de la biodiversité par rapport à Montréal, vu que c'est plus proche de nous, étant donné qu'on réside tous les trois au Québec. Mais c'est des enjeux similaires en lien avec le respect de l'environnement qui est de plus en plus présent dans les médias. Donc, moi, je voulais vous entendre par rapport à la menace qu'on nous dit environnementale qui pourrait être utilisée par nos gouvernements pour, Tu dis bon, des menaces, des OK. menaces. Moi, C'est je des trouve que ça menaces. ressemble. Ça a des heures de déjà-vu. Je veux dire, les nazis, ils parlaient même de s'arranger pour enlever des populations en Europe. C'était pour faire des réserves naturelles. Puis là, qui voulait faire des grandes forêts, là. Puis il avait même essayé de ramener des animaux qui n'existent plus, là, des cerfs géants, là, qui avaient disparu. Puis je trouve que ça ressemble à ça. Puis. Ils ont surtout peur. Ce que nous, on devrait comprendre, c'est que c'est nous qui avons le bout du bâton, hein. Ils ont besoin de notre argent. En passant, là, un mois de grève serait réglé. Un mois de Ouais. grève générale. Ah, Bertrand semble sceptique. Ben, il a le droit, tout à fait. Bon, ben, je pense qu'ils veulent qu'on en fasse des grèves. Dans le fond, il va y avoir du chaos social, je pense, c'est voulu. Donc, si on fait des grèves, bon, ça fait qu'accélérer ce qu'ils veulent un peu. Puis, bon, je veux dire, je pense pas qu'eux autres, ils vont paniquer si certaines choses s'arrêtent. Mais il reste que, non, je regarde ça. Moi, je trouve qu'il y a des heures de déjà-vu. C'est des philosophies qu'on reconnaît, qui reviennent. Puis, cette espèce de. En tout cas, si on regarde, prenez le roi Charles. Bon, ben, son père, il disait qu'il voulait se réincarner en virus pour éliminer du monde. Puis, lui-même, le roi Charles, bon, c'en est un écologiste. Puis, bon, mais je parle écologiste au sens péjoratif, là, pas écologiste logique. Donc, non, je pense que si, dans le fond, s'il y a un effondrement social, je penserais pas que ça les dérange, parce que encore là, ça va encore éliminer du monde. Si on bloque tout, ça va encore augmenter l'inflation, ça va encore Bien, ça pourrait participer à beaucoup de gens. l'agenda de réduction de la population. Parce que là, on a appris qu'en 2022, on s'est rendu 8 milliards d'habitants sur Terre au mois de novembre, selon des données de l'ONU. Épineux. Je les crois Premièrement, il pas, de toute faudrait que ce façon. chiffre soit validé. Hein. Moi, je ne les crois plus. Là. Je suis comme Bertha. 8 milliards, il faudrait que tu me le prouves qu'on est 8 milliards. Hein. First. Puis en plus, je pense qu'on peut vivre pour 85 milliards sur la planète sans problème. Vu que je me stresse pas bien, les 8 milliards. Mais en passant, que penser du Brésil? Parce que le Brésil est en train de s'en sortir avec une grève générale. Ils sont en arrêt depuis un mois. Ah, ben d'abord, il va y avoir de l'intervention extérieure. On va voir, non, mais le Brésil est en arrêt depuis mois. Le peuple est dans la rue de plus en plus dehors. Puis ça, c'est. On verra, là. L'armée est supposée prendre la relève. On verra. Ben, supposément qu'ils ont réélu Lula. Bon. Oui, supposément. Mais le peuple n'est pas d'accord avec ça, Bertha. Je ne sais pas pourquoi, toi. Ouais, D'ailleurs, pas comme qu'est-ce qu'on a je élu veux dire, de Trudeau? c'est comme Biden. Puis ben encore aujourd'hui, là, dans le journal de Montréal, on apprend que François Legault est le politicien le plus populaire au Québec. Moi, je connais personne qui l'aime. Geneviève Guilbeault, Dubé sont d'une popularité, là, c'est des 60 %, des 69 %. 72, Puis, M. Legault. Mais ah moi, oui. ce que je dis, Bertha, que c'est 72 % des gens qui l'aïssent. Ouais, mais si on vire ça à l'envers, c'est C'est peut-être inversé plus. tout le temps. Fait que s'ils disent Ben, 72 % des gens aiment je dirais Legault, pas les nécessairement autres. que c'est inversé tout le temps, dans le sens que oui, il peut y avoir des inversions puis une manipulation des chiffres à des fins stratégiques. Mais quand même, il y a des fois des informations qui sont quand même très révélatrices, dans le sens que si les gens ont réélu François Legault, Faut-il ça. qu'il l'ait réélu, David? Moi, je te trouve naïf, là. Premièrement, les élections au Oh. Brésil, aux États-Unis, puis au Canada, puis au Québec, pensez pas que c'est pas manipulé, là. Ben, Voyons c'est donc. pour ça que je disais, c'est Encore. comme Lula au Brésil, je crois pas plus qu'à Biden. Mais là, bon, tout de Pas suite plus en qu'à disant ça, Legault, on pas plus tombe. qu'à Paul, puis à Trudeau. C'est pas. Trudeau, je sais pas, mais au Québec, Legault, ce qui est passé, je suis sûre qu'il y a une crosse quelque part. Puis on le sait qu'il y a eu il y a eu de la fraude au Québec. Il y a eu des gens qui en ont parlé. Paty! Ben, il y a des gens qui étaient impliqués, puis ils ont parlé. Mais bon, si les gens ne veulent rien entendre, ni du cul, ni de la tête, c'est plus mon problème rendu là. Par contre, là, ce matin, je suis allé aux gens coutus, puis il y avait pas mal de monde hypochondriaque, là, on veut les appeler comme ça. Puis pour moi, si j'avais fait un sondage dans le Jean Coutu, il était populaire. Mais moi, je te mets ma main au feu que t'as ton Jean Coutu, t'as noyauté de petit vieux. Pas pour tant que ça, Ou là. d'étrangers. Moi, c'est ce que je vois ici. Des gens qui sont Ben, trop ici, je n'ai âgés. pas beaucoup. Non. Il n'y a pas beaucoup ici, mais il y a beaucoup d'épais. Pure laine. Es-tu Il plus y en a. pied-carré qu'à Montréal? Je blague. Ça, ben, il y a plus de population à Montréal, c'est ça qui joue, là. Parce que c'est là que ça devient délicat. Parce que là, on apprenait, bon, Fitzgibbon, lui, il a perdu de la popularité, supposément, selon leur sondage. Mais je pense que c'est pour aller selon une certaine logique, là, pour pas que ça paraisse trop. C'est Mais les ça. sondages, léger marketing, puis. Dans le fond, la compagnie de relations publiques de la CAQ s'est quasiment rendue québécois, puis léger, léger, là. Ben, il y Donc, a Mackenzie qui les aide beaucoup aussi. Mackenzie est oui, le avec groupe eux McKinsey, aussi. là, d'ailleurs, qui les a aidés dans la gestion de crise. Mais derrière ça, c'est sûr qu'ils ont des retours dans le sens que les médias de masse, que ce soit Radio-Canada ou TVA, ben, ils reçoivent des millions en termes de publicité, comme on a vu pendant la crise sanitaire pendant près de 2 ans. Donc, c'est sûr qu'eux autres ont tout intérêt à relayer le narratif officiel. Qui vont continuer parce que la loi est passée en 2019, le gouvernement finance tous les médias. Puis, dans le fond, ça nuit à la qualité. Ben, c'est ça le but, là, mais je veux dire, parce que là, ils font survivre des médias qui, selon la qualité des services qu'ils donnent, devraient mourir parce que le public ne veut rien savoir. Donc, au lieu d'encourager un processus naturel sain d'élimination, une vraie sélection intelligente, ben, ils continuent de nourrir puis de maintenir en vie des choses qui sont désuètes puis qui devraient mourir. C'est ça de la propagande, dans le fond. Oui, il y a beaucoup de Exactement. journaux au Québec qui sont entretenus artificiellement depuis plusieurs années sous le respirateur artificiel économique du gouvernement là, pour que certaines presses écrites continuent là, de subsister. 52 millions, mon ami. 52 millions. On n'a pas d'argent pour les hôpitaux, mais on a de l'argent pour ces crosseurs-là. Pas de problème. Go with it. Ben Cali. oui, ça. Excusez, je pompe, là. C'est sûr Ben que c'est vrai, ça n'a aucune logique. c'est contrariant, mais la logique, c'est que ça permet aux partis de se maintenir au pouvoir. En ayant un soutien implicite des médias, et les médias, en termes de quatrième pouvoir, ne jouent plus leur rôle de critique, du gouvernement ou social. On n'est Ben plus. non, ben de tout. Ben oui, c'est ça. Le quatrième pouvoir. N'est plus. Non, c'est fini. Un pays censuré, en C'est passant, excellent. c'est plus un pays démocrate, même si la démocratie est de la bullshit depuis qu'on en a connu. À partir du moment où tu n'as plus la parole libre, il n'y a plus de démocratie. Alors, tous les pays qui nous censurent, dont le Québec, nous subit cette censure, nous ne sommes plus libres. Ben, moi, je suis libre dans la tête, je serai toujours libre. Mais si on parle de démocratie, si on reste au côté de terre à terre, ça n'existe plus la démocratie si tu n'as plus de droit de parole. Pour écouter la suite de l'enregistrement avec Mona et Berthold, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien web qui figure en bas de cet extrait, donc qui va vous permettre d'aller sur la chaîne Odyssey où vous allez pouvoir la retrouver. Donc, la reste de cet entretien qui dure plusieurs heures. Donc, c'est une rencontre unique qui s'est très bien déroulée, où on a abordé plusieurs sujets. Et donc, vous êtes les bienvenus. C'est totalement accessible là, sur Odyssey, qui est un espace là, propice là, à la liberté d'expression. Au revoir.